Ferrer, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, et ces cons, on va s'en occuper. Laurent Malouda. Yeah. Il va être encore là, Malouda. Je pense qu'il va être encore là quelques temps. Ah, c'est un chewing-gum collé au panard. C'est... Oh, non, il est sympa, le pauvre. Ouais, donc je fais un petit point sur ce que j'avais dit les autres semaines sur le Tipeee Show. Ah, j'avais annoncé que David Beckham, ça allait être quand même, ça va pas forcément. Mais là, j'attendais pas ça quand même. Là, on est quand même passé à Tony Estanguet, les mecs. Et là, Tony Estanguet, quand t'es pas en période olympique, ça fait mal. Hein. C'est quand même que là, là, on est quand même dans du sport très, très, très mineur. Hein. C'est à part le jokari et le curling. On... Tu peux respecter les consultants. Non, mais il n'y a pas de la problème. La Dream Team RMC, monsieur. Ah, non, oh, la Dream T'as Team. T'as vu le palmarès de Tony Estanguet, c'est autre chose que ça qu'a tiré. Ah ouais? Non, alors Sakatiené, excuse-moi, il joue dans peut-être le plus grand club d'Europe d'ici les 5 prochaines années. Siaka, on est là, on t'aime. Tony Estanguet, oui, non, mais t'as écouté l'interview, parce que si tu parles, c'est que t'as pas écouté. C'était magique, hein. C'était ça va, Tony, les pagaies étanches et tout. Ouais, ça va, bah il faut quoi. Ah, super. Au fait, je t'ai parlé de mon DVD, Tony. Bah ouais, tu m'as parlé que de ça, ouais. Je t'ai parlé de mon dessin animé aussi, et de mes porte-clés, tout ça, mes t-shirts. Bah ouais, 20 fois, voilà. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en fait, les mecs qui sont invités chez Tony Parker, c'est pas les invités, c'est les témoins. Ils sont témoins de son émission, et lui, il parle de lui, c'est génial, quoi. Bon, enfin, en même temps, Tony Estanguet, Tony Parker, mais bientôt Tony Verrel, Tony. Enfin, c'est génial, quoi. Ils se sont bien éclatés, bref. Donc j'ai très peur pour les semaines à venir, hein. Va falloir vite qu'ils reprennent la NBA. Hein. Écoute bien l'année prochaine, je peux te dire que tu rigoleras moins. Mais il paraît tu rigoleras moins. Il paraît qu'ils vont arrêter le lockout tellement ils ont peur. Tu rigoleras moins. De peur des invités. Alors ouais, il va nous sortir encore un basketteur, pote à lui, non? Une de tes idoles. J'en dirai pas, j'en dirai pas plus. Non. Abada Jambé. Ah, c'est mon idole, avec tout ce qu'il a fait. Il l'a mis tellement en tribune. Vincent Labrune, qui a fait une petite erreur, parce qu'à un moment donné, Vincent Labrune a dit que Deschamps, c'est 100% des titres de l'OM en 20 ans. Ah ouais? Et la Coupe Intertoto, c'est quoi? Hein? Alors? Parce qu'à l'époque, ils étaient contents. Ils n'ont pas fait le bus impérial, mais ils étaient contents de la gagner. Auxerre. Alors, leur bonne surprise, c'est Alain Traoré. Toi, Daniel, t'en parlais. Tu sais qu'Alain Traoré, c'est vrai qu'il surprend tout le monde à Auxerre. Il me plaît bien, ce petit faut dire que le dernier Traoré qu'ils ont eu, c'était Samy. Hein. Donc, forcément, là, c'est vrai que quand tu sors de Samy, le mec, dès qu'il a un pied, il arrive à mettre un pied devant l'autre. C'est formidable. Et il faut la fête, ils sortent le champagne. Non, moi, je m'inquiète pour l'OM. L'OM qui n'arrive plus à remplir le stade Vélodrome. Vous êtes au courant de ça? Oui. Ils sont obligés de faire. De faire une promotion, une place achetée et une place offerte. Hein. Enfin, ça change de l'époque, comme dit Arsène Wenger, où c'était un arbitre acheté, un pénalty offert. C'était une autre époque. Maintenant, c'est une place achetée, une place offerte. Bon, en même temps, c'était déjà une promotion qu'ils faisaient en début d'année. Eux, c'était une place achetée, une place trop chère. C'était au début. N'importe quoi. Si, je te jure. Rennes, eux, ils ont, parce qu'il y a plein de promotions comme ça. Rennes, eux, ils ont une place achetée, un coussin offert. Auxerre, c'est une place achetée, hein, on n'a pas que ça à foutre non plus. Et Nancy, c'est une place achetée à la poubelle, hein, parce que autant pas y aller parce que c'est quand même pathétique. Alors on a parlé quand même beaucoup du mouvement. Tu as des problèmes à Nancy, toi. Ça m'étonnerait, il faudrait que j'y aille. Et ils n'ont pas les moyens de se payer le ticket pour venir me chercher, donc je m'en fous. On a parlé, c'est pas vrai, tout ça est de l'humour évidemment. C'est que si j'ai dit du mal de l'AS Nancy Lorraine, c'est surtout parce que j'ai de la peine pour eux, parce que regarde où ils sont maintenant. Hein, j'avais quand même annoncé. Hein. On a parlé du mouvement Liberté pour les abonnés à une époque, hein, mais on n'a pas parlé justement du mouvement Liberté pour les abonnés, pas celui de Paris, mais celui de Nancy. Puisqu'il y a un mouvement Liberté pour les abonnés, parce que les mecs ils veulent être libérés de leur abonnement, eux. Eux, ça fait 3 mois qu'ils sont enfermés à Marcel Picot, ils voudraient juste sortir. Donc si on pouvait donner la liberté à ces gens-là. Ça serait gentil. Non, parce que Marcel Picot. Parce qu'on déconne, mais Marcel Picot, qui est Marcel Picot? Parce qu'il faudrait quand même se poser la question. C'est qu'il est quand même pas, on peut pas dire qu'en termes de célébrité, il est en dessous de Michael Jackson et du Mahatma Gandhi quand même, hein, Marcel Picot. Eh ben, en fait, Marcel Picot, c'est un fabricant de chapeaux à Nancy. Alors, ça n'a rien à voir, on va me dire oui, mais c'était un mec qui aimait quand même, qui aimait le sport, puisqu'il a fait beaucoup pour le sport dans sa ville. Et évidemment, pour un sport en particulier, je vous le donne en mille, pour le rugby, merci les gars, donc voilà, faut pas s'étonner. C'est un mec qui n'avait rien à cirer du foot et on lui a donné le nom du stade. Donc forcément, après, voilà, la NSL, on voit ce que c'est. Alors le PSG, alors Ajaccio, bien sûr, qui n'a rien pour faire. Pourtant, ils avaient la rage, Ajaccio, hein. Mais le problème, c'est qu'avoir la rage, ça suffit pas parce qu'en face, il y a l'Institut Pasteur. Avec l'Institut Pasteur, t'as beau avoir la rage, t'es vite calmé. David Beckham, alors qui va sûrement venir au Paris Saint-Germain, et Gamero, il a dit c'est un joueur qui regardait quand il était petit. Il dit, mais moi je crois que Néné aussi c'est un joueur qui regardait quand il était petit, puisque l'an dernier il était toujours petit, Gamero, on est d'accord, il a pas changé quoi. Mais par rapport à il y a 15 ans, je pense qu'on va pas dire qu'il est pris 25 centimètres. L'OM aussi, je voudrais revenir encore sur l'OM qui malheureusement, comme le Paris Saint-Germain, est en rupture de stock de maillots. De mayo, mais aussi de ketchup, de sauce blanche et d'harissa. Alors faut vite en recommander parce que le problème c'est que Didier Gignac là, les shawarma et les tondos d'eau frites, il les mange secs. Juste avec du sel, il en peut plus quoi. Donc pensez à lui, pensez à acheter de la mayo. Gignac d'ailleurs qui a fait une grande semaine là puisque il a repris. Alors le staff ne nous a pas dit s'il avait repris du dessert ou du fromage, mais il a repris en tout cas, c'est déjà pas mal. Du moment qu'il reprend pas 5 kilos, c'est déjà pas mal. D'ailleurs, Gignac, vous avez remarqué, Gilbert, tu n'en as pas parlé, mais Gignac avait une moustache au moment de l'échauffement de son match. Et il n'avait plus sa moustache pendant le match. Ah, c'était bizarre, on se dit, tiens, c'est un hommage à Lièvremont. Non, en fait, c'était pas une moustache, c'était les traces de son milkshake chocolat banane. Et donc après, juste, il s'est essuyé. Le pauvre Dédé Gignac. Alors après. C'est sur la moustache, c'est vrai. Oui, oui, mais c'était pas une moustache. C'était la trace de son milkshake chocolat. Didier, tu nous as inventé un truc assez génial. Et tu vois, Didier ? Ouais, je suis là. Ouais. C'est que moi, je connaissais on parlait du derby des fois quand c'est deux équipes de la même région. Ensuite, on parlait du derby quand c'est deux équipes de villes très proches. Ensuite, il y avait le derby de deux équipes de la même ville. Et lui, Didier, il a inventé le super derby. Est-ce qu'on peut écouter ? Hier soir, le derby, la Lazio gagne 2-1 contre la Lazio. Voilà. Donc la Lazio a gagné 2-1 contre la Lazio. Donc c'est carrément le club qui joue contre son propre club. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Il n'y avait qu'une équipe, ouais. Donc, bravo, magnifique. Bravo, bravo. Quelle pirouette. Et c'était pas la bonne. Une chanson. Déjà là. Bah ouais. Bon, mais d'accord, j'ai une chanson. Hein, direct, j'ai une chanson sur un joueur qui est magnifique, qui a joué à l'OM, qui a joué dans. À la grande époque, celui qui avait fait partie du plan anti-Ronaldinho. Hein, vous rappelez de lui. Il joue maintenant à Dijon. C'est Abdoulaye Maïté. Allez, musique. C'est pour toi. Abdoulaye Maïté. Cher Abdoulaye, qui peut t'arrêter lorsque tu cisailles. Oui, belle Abdoulaye, le scalpel au pied, tu vises les entrailles, Abdoumeïté. Belle Abdoulaye, comme t'es ivoirien, quand tu tacles le braille. Faut la comprendre celle-là. C'est la puissance de Robocop, mais délicat dans la fracture. Comme on désosse une antilope, tu déboîtes ta colle du fémur. Pour un high-kick en pas chassé, sectionnant la terre fémorale. C'est tout le staff qui va chanter comme un seul homme à l'hôpital. Allez tous ensemble, Abdoumeïté. Oui, belle Abdoulaye. Tous les pires péronnés se brisent comme des pailles. Encore Abdoumeïté. Belle Abdoulaye, le genou va craquer comme un...